Ça fait 2 ans que j'étudie le français. Il y a 2 heures que je l'attends. Ça fait 3 mois que ce magasin est ouvert. Il y a 1 semaine qu'il est revenu. Ça fait longtemps qu'il est parti. Il y a 3 ans qu'il n'a pas écrit. Ça fait 1 semaine que je ne l'ai pas vu.